تفضل. البداية هي بتقول لماذا هل ما يحدث في اليمن من شر البلية؟ احنا اخترنا الموضوع هذا لأنه بيطرح الضوء أو بيوضح ما هو حاصل في اليمن عن طريق النكتة أو السخرية. في كثير من الناس يسمعوا الأخبار لكن هم مش عارفين إنه في نشطاء لهم رأي في اللي بيحدث اللي هم منظمات المجتمع المدني لهم رأي فيما يحدث في على الساحة، فبالتالي هم بيشرحوا وجهة نظرهم عن طريق الفن السخرية أو النكتة للتوضيح أو لتوصيل رسالة للعالم على ما يحدث. إذن منظمات المجتمع المدني بتلعب دور في شرح ما بيحدث في وسط في المجتمع. Juste avant de traduire ce qu'a dit Fatima, je voulais aussi préciser, ajouter à ce que tu as dit Catherine. D'abord, je voulais vous remercier aussi de cette invitation et de cette belle opportunité de parler devant vous et devant mes anciens collègues ou collègues de l'IREMAM, de l'IDEMEC, de toutes tous les centres de recherche d'Aix-en-Provence. Et je voulais ajouter que, surtout, il y a déjà des archives en ligne de Fatima qu'elle a déposées donc, sur le site de la MMSH. Et donc, vous pouvez consulter déjà, d'ores et déjà, des vidéos, des sons, des textes, etc. Et des photos. Voilà, et des photos. Très important, et des films. Alors, donc, brièvement, effectivement, c'est, en fait, le titre de la conférence répond un petit peu à la question de Catherine, c'est-à-dire, là, c'est ma traduction, disons, rire de la guerre pour ne pas en pleurer, donc les histoires drôles et les caricatures politiques au Yémen. Mais il faut dire que le titre qu'avait choisi Fatima, c'est « Cher el-Baliya ma-yit-hak », c'est-à-dire quelque chose comme, on pourrait traduire, disons, non, pas mot à mot, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est-à-dire, il vaut mieux rire des malheurs qu'autre chose, quoi. Et donc, effectivement, étant donné la situation dramatique que connaît le Yémen depuis 2011 et surtout depuis 2015, avec vraiment l'explosion d'une guerre à la fois civile et extérieure en même temps, il est bon que nous puissions rappeler que le peuple yéménite ne subit pas de manière totalement passive cette guerre et ce conflit qui lui est imposé en fait par des conflits entre les élites politiques qui sont quand même très très en dessous de leurs responsabilités. Et donc ce peuple yéménite qui subit tous ces événements, il le fait pas quand même de manière si passive, et que au contraire on peut dire que depuis la révolution de 2011-2012, il y a aussi une société civile qui commence à émerger, qui a commencé nettement à émerger dans ces années-là, et qui, même si elle est bâillonnée par le bruit des armes, quand même elle réagit de manière active. Et donc toutes ces caricatures et ces histoires drôles vont nous montrer justement cette forme de résistance finalement passive et civile et pacifique. علمونا زمان عندما كنا نضحك أن نقول اللهم اجعله خير، فالضحك يأتي بعد الشر. عندما يضحك الناس لسبب محزن يقولوا شر البلية ما يضحك. Donc c'est un proverbe en fait qu'elle a choisi pour ce titre. انتشار النكتة بمجتمعنا تنطوي على أبعاد ومضامين اجتماعية وثقافية جديرة بالتأمل. فهناك مقولة مقتبسة من هيرني بريجسون تقول لا ضحك إلا ما هو إنساني، والنكتة هي محاولة قهر المقهور وهتاف الصامتين، إنها نزهة في المقهور والمكبوت والمسكوت عنه. Donc Fatima bien sûr se réfère à Henri Bergson qui dit que le rire est le propre de l'homme en fait. Donc ça veut dire que quand on rit, ben en fait on produit des productions sociales, culturelles, qui ont des significations sociales. Donc pour nous, dans les sciences sociales, c'est très important. Et d'autre part, bien sûr, une de ces significations-là, essentielle, c'est une sorte de revanche contre l'adversité et de donner une voix au sans-voix. C'est aussi, comme vous le savez, la politesse du désespoir. Enfin, voilà.